chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Avec une athlète qui a bien performé, même très bien performé au championnat junior de judo qui s'est déroulé en Argentine au cours de la tout récemment. C'est Marie Besson qui a remporté une médaille d'argent. Et question de savoir un peu comment ça s'est passé en Argentine récemment. On lui parle. Salut Marie. Marie, oui. Donc ça a bien été, je pense, encore une fois. Là. Ça a été une très très belle performance. Tu as perdu contre une athlète qui était 2 ans plus âgée que toi, et ça paraît, hein? Ouais, ouais, avec plus d'expérience, un peu plus lourde, un peu plus jeune. OK. Ouais. Est-ce que, dans l'ensemble, comment ça a été ce voyage-là? Ça a-t-il été plus dur que tu pensais? Comment ça s'est passé? Ça a été vraiment long, se rendre jusqu'à là-bas, fait qu'on était quand même fatigués en arrivant. OK. Mais moi, je ne me battais pas la première journée. Alors, le lendemain, on avait la pesée, puis mon poids était bien correct, fait que ma pesée, ça a bien été. On a regardé la compétition des plus jeunes, puis le jour d'après, c'était la compétition, mais ça a bien été, hein, enfin. OK. C'est fait trois combats avant ça, la finale. OK. Est-ce que c'était quelque chose, quand même, de en Argentine, est-ce que le judo est populaire? Je pense que oui, hein? Ouais, surtout pour les filles. OK, OK. Ça se passe dans des arénas? Ça se passe comment? C'était dans un hôtel. OK. C'était dans une espèce de centre sportif dans un hôtel. OK, OK. Ouais. Donc, et 2 ans plus la force, j'imagine aussi, hein? Ouais, la force aussi. C'est aussi assez. Ça faisait longtemps qu'elle s'est battue dans moins 52, c'est une moins 57, fait qu'elle a coupé du poids pour se battre 52, fait qu'elle était floue. Mais je veux dire, je pense que si j'avais eu son âge, j'aurais peut-être pu la battre, mais je veux dire, je pense qu'éventuellement, je vais la battre parce que. OK. Ouais, c'était pas si fort. Hey, tu parles de judo, est-ce que ça marche un peu comme la boxe et les arts martiaux mix? T'as 24 heures avant ton combat, t'as des baisers officiels, ça marche un peu de la même façon? Nous, la compétition, exemple, la pesée, c'est à 7h30 du soir. Okay. Puis de la pesée, c'est moins 52, il faut peser 52 au moins. Puis le lendemain, on se bat vers 10h. Puis il y a 4 personnes par catégorie qui sont pesées, puis il faut qu'on. Pour un 5%, faut pas peser plus qu'environ 54,2. OK. Est-ce que, donc, ça marche un peu comme le même principe, là, qu'à la boxe et aux arts martiaux mixtes? Donc, tu peux monter, toi, tu te boxes chez les 52 kilos, mais tu peux monter, tu peux être plus pesante à un moment donné, 24 heures après, c'est ça? Ouais, mais moi, avant, j'étais moins 48, je coupais beaucoup de poids pour le faire, mais maintenant, je suis rendue moins 52, alors, je pèse pas plus que 52, vraiment. Okay. Mais il y a du monde qui pèse quand même plus, comme, il y a des gars dans mon équipe qui fait moins 73, puis 2 jours après, il pesait 80. Ouais, c'est énorme. Mais celle que tu as gagnée l'autre fois, là, que tu as perdue, c'est-à-dire, est-ce que elle, son poids, ça l'ajuste, elle s'ajuste exactement? Elle, son poids, vraiment, c'est environ 57. OK, 57. Donc, ça l'aide à quelque part, là. Ça l'a aidé beaucoup, là. Oui, c'est ça. Faut quand même que je prenne un petit peu de poids dans ma catégorie. OK. Pour être un peu plus au même poids qu'eux, mais. Ouais, peut-être un petit peu plus lourd, okay, que moi. Celle que t'as perdu, tu me disais sur les médias sociaux que c'était la troisième au monde dans sa catégorie, hein? C'est ça? Ouais, ouais. Moi, je suis 23e, fait. T'es 23e, puis t'as 2 ans de moins, là. Les Olympiques, est-ce que ça, dans 4 ans, est-ce qu'on y pense? Oui, c'est vraiment l'objectif. C'est l'objectif dans 4 ans, OK. OK, donc c'est sûr qu'il y a des bonnes chances. Est-ce que dans ceux-là qui sont à Rio, tu t'es battu contre ceux-là dans ta catégorie qui vont être à Rio? Pas en compétition, mais je m'entraîne au centre national avec eux, fait que je me bats avec eux à tous les jours. OK, OK. Ben Marie, prochaine compétition, c'est quand? Au milieu à août, en Roumanie, Coupe d'Europe junior. Coupe d'Europe junior, donc on va te suivre de très très près également. Ben Marie Besson de Dolbeau, Mistassini.